C'est un remix au repeat de Busta Rhymes. Je reste cohérent, mais je suis pas comme un gros néage de cohérent. Si se dérange, mais pas un goéland. Parce que je garde le bon élan, je garde le pas en m'en allant. Je suis le sens du vent, mais des fois ça mène au torrent. En autant qu'il y a d'autres rimes, pas d'autres crimes ou d'autres frimes. Mes textes sont intimes, j'ai pas besoin d'être anonyme. Puis dans quoi j'ai mes racines, c'est ancré à langue de chine. Comme un junkie à l'héroïne. Moi je suis à l'anécume. Quand je fais le poche décline, puis je sors au crayon mine. Pour le rap, Charlie Pin, fait que je taquine les gamines. C'est à coup de carabine que j'arrive dans l'estime. Je suis comme une vitamine parce que toi la t'exprime. Je pourrais faire des oh oh oh passage rap so oh oh oh oh. Tant que ça sonne fat, check la oh oh oh oh. Et j'suis pas dans un clip so oh oh oh oh. Spin the music, j'fais ma shit clarinette. Beat pas de clarinette, juste des rhymes short et sec. Amène les majorettes, represent sans trompette. Sans tomber, faut être prêt. Il faut qu'au match te pète, pour le rap c'est l'étiquette. Ça l'avance dans tous les sens quand le beat s'annonce. Comment je fonce pour que les real heads défoncent. Les sourcils froncent mais pas quand les chicks y dansent. Suis mon flow, suis le pas en autant que tu penses. Faut que mon rap des pâtes étonnent, impressionne les tonnes de connes. Un fun avec des cochonnes, même si trip c'est Pokémon. Pis y'a des filles qui se fouettent, qui se collent sur des gars à pinch. Te pitch une coupe de dip, tu resteras toujours une bitch. Pour faire des oh oh oh oh passage rap so oh oh oh oh. Tant que ça sonne fat, check la oh oh oh oh. Et j'suis pas dans un clip so oh oh oh oh. Spin the music pour une musique toxique. Talk chic, c'est mauvais shit. Les MC réussissent qui kick, mais j'les kick encore plus vite. Ça te provoque le va vite, fais attention au mal de vente. Y'en a trop qui se vendent, fait qu'y'en a trop qui se plantent. J'suis pas dans la gang de poseurs qui se voient sur des posters, qui taguent sur des post-it, pis qui restent losers. Ça prend des battes de base, pis ça se roule des smokes de butch. Ça prend des pêches de bide, mais y'en a trop qui sont en poche. Ça prend de faire de la roche, mais leur mère veut pas qu'ils sortent. Ça prend des sacs de moche pour sortir des news qui fuck. Ça pitch une coupe de disques comme quoi que Flo y mise. Pis ça se fuck des mises de piste, pis y'a pas la poche qui plisse. Pourrait faire des oh oh oh oh passage rap so oh oh oh oh. Tant que ça sonne fat, check la oh oh oh oh. J'suis pas dans un clip so oh oh oh oh. Spin the music